Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'histoire face à l'intelligence artificielle, et si les Romains avaient marché sur la Lune? Ah, elle est là, c'est ainsi, l'IA, l'intelligence artificielle, elle qui, par des algorithmes dans un environnement numérique adapté, permet de produire des textes et des images. Ah, c'est sans doute une bonne nouvelle, avec la méfiance évidente, même nécessaire, car au moment de corriger un devoir réalisé à la maison, avec un travail remarquable, enseignant doute, mais est-ce l'élève, est-ce l'étudiant qui en est vraiment l'auteur? Mais bon, oui, elle est là, l'intelligence artificielle, c'est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Un changement majeur dans le processus de création. Oui, peut-être une bonne nouvelle, avec des accélérations techniques, mais qui avancent à toute vapeur. Il a fallu qu'un savant regarde un jour bouillir une marmite pour que l'on comprenne les véritables possibilités de la vapeur. Ce n'était pas seulement une gracieuse fumée, mais une force. C'est au Français Denis Papin que revient la gloire de l'avoir compris le premier et d'avoir su imaginer l'ancêtre de la machine à vapeur. Il y eut d'abord Papin, puis Geoffroy d'Abance, puis d'autres un peu partout. D'étape en étape, d'expérience en expérience, ces chercheurs courageux parvinrent à de beaux résultats. Ils devaient lutter plus contre les hommes, toujours incrédules et souvent hostiles, que contre la nature qui se laissait apprivoiser assez facilement. L'humain incrédule face à la machine à vapeur en 1964 dans les actualités. Bonjour Raphaël Dohan. Bonjour Xavier Mauduit. Papin, Geoffroy d'Abance évoqués dans cette archive pour parler de la machine à vapeur. Ses inventeurs, un petit bémol, un antécédent? Il y a effectivement un antécédent, il y en a même peut-être plusieurs en réalité. Dans l'Antiquité, en fait, on avait déjà conçu le concept de la machine à vapeur et même des prototypes. Simplement, ils n'étaient pas assez efficaces pour connaître ensuite le succès qu'ils ont eu à l'époque moderne. En fait, un de ceux qu'on connaît bien et qui a travaillé sur une machine à vapeur antique s'appelle Héron d'Alexandrie, un savant grec du 1er siècle après Jésus-Christ. Et qui a fait donc et qui a écrit sur un prototype de machine à vapeur qu'il appelait l'éolipile et qui permettait de faire tourner une petite sphère sur elle-même grâce à la vapeur produite par la combustion du bois. Il se trouve que c'était en fait pas assez efficace pour plusieurs raisons, à la fois des questions de construction et de soudure des différents composants de la machine, aussi pour des raisons de combustible, parce que le bois, ce n'est pas très efficace énergétiquement. Et donc, ça n'a pas servi à plus de choses que de l'amusement ou du divertissement et de la surprise face à ce phénomène-là. Et on sait que Vitruve en avait parlé également un petit peu avant. Donc, c'était quelque chose qui était connu dans l'Antiquité. Simplement, et c'est un peu un mystère finalement, ils n'en ont pas fait plus que ça. Ils n'ont pas avancé plus loin dans ce processus et ce phénomène. Raphaël Dohan, l'historien que vous êtes d'ailleurs, peut expliquer le pourquoi du non-développement de ce processus. C'est vrai que d'autres ont pensé pourquoi à tel moment, telle invention ne devient pas quelque chose d'absolument incontournable. C'est vraiment une grande question. On a parlé de ça récemment beaucoup dans l'actualité avec Maître Gims qui a parlé de l'électricité chez les Égyptiens, ce qui évidemment est n'importe quoi. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que concrètement, matériellement, faire une pile, ça ne demande pas des composants spécialement rares, et c'était matériellement à la disposition des Grecs ou des Romains, par exemple, ou des Égyptiens. Ils auraient pu le faire, il ne leur manquait pas un métal précieux ou quelque chose qu'ils n'auraient pas eu. Donc c'est vraiment une question d'idée, de conception. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y avait aussi tout un cadre à la fois économique, social, mental, culturel, qui faisait naître ou ne pas naître une idée. Et ça, c'est vraiment une question passionnante. Il y a eu plusieurs théories sur la raison pour laquelle il y aurait eu une stagnation technique, technologique dans l'Antiquité. En fait, le fait même qu'il y ait une stagnation est plutôt en débat. Dans les années 70, il y avait une théorie qui avait été avancée par l'historien Moses Finlay, qui donc poser cette hypothèse que l'Antiquité avait connu une vraie stagnation, sachant qu'ensuite, à partir du Moyen-Âge, commencent à avancer les nouvelles technologies, etc. Avec cette réflexion globale à poser autour de ce qu'est l'Antiquité, ce que vous avez pu étudier, et puis arrive dans cette histoire l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous, Raphaël Dohan, à partir de quel moment, ce que vous nous avez expliqué avec ce héron-là, Patapon, qui invente la machine à vapeur mais qui n'en fait rien, eh bien, à partir de quel moment vous demandez à l'intelligence artificielle de réfléchir à cela? Alors voilà, dans ce livre, c'est vraiment le point de bascule que je prends pour ensuite commencer une uchronie, donc une histoire alternative de l'Antiquité et du monde, où je fais imaginer en fait à l'intelligence artificielle ce qui se serait passé, comment le monde aurait changé si en fait la machine à vapeur d'Héron marchait vraiment, si elle pouvait effectuer un travail mécanique utile. Et ça commence par imaginer que forcément, on va le présenter, ce travail, à l'empereur qui est Néron à cette époque-là. Il se trouve que c'est intéressant parce que Néron, c'était justement quelqu'un qui aimait la technologie, qui était passionné par les nouveaux instruments hydrauliques, par les nouvelles techniques de char, par exemple, pour les courses, qui avait fait faire plein de gadgets technologiques dans sa maison, la Domus Aurea. Donc, c'est assez amusant parce que ça correspond en fait à une époque qui aurait peut-être pu permettre un développement intéressant de cette technologie. Et donc, effectivement, l'intelligence artificielle prend le relais pour imaginer les événements et les évolutions de la société romaine qui seraient produits si Néron avait découvert une machine à vapeur efficace. Cet ouvrage s'intitule « Si Rome n'avait pas chuté », il est publié aux éditions Passé Composé, et en voici la préface. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez un monde qui ne ressemble à aucun autre. Un monde où l'Empire romain est devenu technologiquement avancé et a conquis une grande partie du monde. Ce livre, généré avec l'aide de l'intelligence artificielle, présente une fascinante uchronie, ou histoire alternative, de cet empire romain fictif. Grâce à une combinaison d'images étonnantes et de textes captivants, il explore ce qu'aurait pu accent circonflexe être la vie dans ce monde alternatif. L'IA, telle qu'elle est aujourd'hui, est un outil particulièrement puissant pour inventer des uchronies et les développer jusqu'au moindre détail. Car elle est capable d'halluciner des choses qui ne se sont jamais produites tout en s'inspirant de données réelles. Cela lui permet de générer des histoires uniques et fascinantes qui sont ancrées dans la réalité, mais qui explorent aussi des possibilités nouvelles et imaginaires. Alors, là, nous avions la lecture par une voix, évidemment, qui n'est pas une voix réelle. Moi, j'aime beaucoup ce PU accent circonflexe au moment de décrypter un texte. Raphaël, devant, vous n'aviez pas besoin d'intelligence artificielle pour écrire ce livre en soi. Non, absolument. Et d'ailleurs, cette préface est tout de suite suivie d'une vraie préface que j'ai écrite moi-même à la main, qui explique la démarche plus en détail. En fait, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle telle que je l'ai utilisée pour ce livre, c'est de s'en servir comme une sorte de tremplin pour ensuite réfléchir d'un point de vue personnel sur le sujet en question. Et donc là, en l'occurrence, ce qui était amusant, c'est de proposer des sujets à l'intelligence artificielle, donc exactement ce qui serait devenu de l'Empire romain s'il avait eu la machine à vapeur. Et ensuite, une fois qu'elle a généré des histoires, des évolutions, des anecdotes, des sources même, des fausses sources, de prendre du recul, et là, sans intelligence artificielle, d'y réfléchir avec une intelligence humaine pour voir ce que ça peut vouloir dire de notre rapport à l'Antiquité, de notre rapport à la technologie aussi, et de notre connaissance de l'histoire, du monde antique. Et en fait, c'est comme si on avait une sorte de partenaire avec qui on peut travailler pour générer des idées qu'on n'aurait pas eues soi-même. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une intelligence qui est un peu extraterrestre, qui n'est pas vraiment, qui n'a pas les idées que j'aurais pu avoir, qui n'a pas les points de vue que j'aurais pu avoir non plus, et donc qui me pousse en fait à réfléchir hors de ma zone de confort, disons, hors de du sillon que j'aurais pris naturellement si j'avais fait ce livre tout seul. Et pour pouvoir discuter en tout confort, on peut peut-être rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que le mot est sans cesse utilisé, on ne sait pas trop comment ça fonctionne cette chose-là. Il faut dire que ça désigne beaucoup de choses et beaucoup de techniques qui sont un peu différentes. En général, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on pense à ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire une manière d'entraîner un algorithme qui permet ensuite de, en fait, à partir de bases de données immenses, d'en tirer une machine à générer des résultats. Et là, tout récemment, depuis un an à peu près, on parle beaucoup en particulier des modèles de langage, des grands modèles de langage, les LLM en anglais, qui sont capables donc de synthétiser du texte, c'est-à-dire d'écrire des passages de texte assez cohérents et informés en fonction de ce qu'ils ont eu dans leur base de données d'entraînement. Sachant que ça fonctionne d'une manière assez particulière, qui est très simple au fond, dans le principe, qui est que ça prédit chaque mot l'un après l'autre, en fonction des précédents et en fonction d'une très très grande quantité de paramètres qui ont été, eux, réglés pendant la phase d'apprentissage sur la base de données. Mais ce qui fait, en fait, que le texte n'est jamais une copie de ce qui existait dans la base de données, c'est toujours du texte inédit, c'est toujours nouveau, Et ça a des propriétés en fait qu'on appelle émergentes, très intéressantes, parce que on pourrait penser que ce système ferait du texte totalement incohérent. Après, nous-mêmes, on ne fonctionne pas comme ça. Quand on parle, on sait d'avance où va mener la phrase, on sait quelle sera la prochaine idée qu'on va dire. Là, le modèle de langage, pas du tout en fait. Il le fait mot après mot, et le sens se construit au fur et à mesure. Ce qui est fascinant, c'est que ça fait du sens, c'est que les textes sont cohérents. Et même qu'il en sort d'autres propriétés, par exemple une très bonne capacité à interpoler des éléments différents, donc à mixer, à mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, là dans ce livre, l'intelligence artificielle fait un très bon mélange entre un parcours de mania de l'électricité à la Edison et une figure de haut personnage romain qui finit par devoir se suicider sur ordre de l'empereur comme Sénèque. Et le mélange des deux, en fait, fait une histoire que l'intelligence artificielle arrive très bien à développer et à enchérir de détails, d'anecdotes, etc. Parce qu'elle n'a pas de problème à cumuler ses inspirations différentes. Nous sommes très loin du copier-coller. Hein. C'est vraiment un texte nouveau produit à chaque fois. Et si Rome n'avait pas chuté le titre de ce livre, on peut le résumer en disant simplement que vu que la machine à vapeur est adoptée par les Romains au 1er siècle, on fait un saut dans le temps et que le 2e siècle correspond au 19e. C'est à peu près ça, parce que finalement, ce qui est frappant dans la révolution industrielle, c'est sa rapidité. L'invention de la machine à vapeur et l'arrivée sur la Lune des Américains, en fait, il se passe 2-3 siècles. Et c'est assez... Je trouve que ça remet les choses en perspective d'essayer de le transposer. Alors, bon, il y a évidemment plein de précautions à prendre, mais c'est amusant de se dire, si jamais on avait inventé la machine à vapeur au 1er siècle, est-ce que, en fait, peut-être au 4e ou au 5e siècle, on serait allé sur la Lune? Ce qui nous paraît ridicule aujourd'hui, mais en fait, ça montre à quel point on a progressé extrêmement vite à l'époque contemporaine, en fait. Nous sommes dans de l'Uchronie, c'est très ludique, vous avez utilisé ce mot amusant, oui c'est amusant, et moi j'entends bien l'idée qu'une invention n'entraîne pas l'industrialisation, etc. Absolument. Mais nous ne sommes pas dans un livre d'histoire d'historien, nous sommes dans un livre d'historien qui utilise l'intelligence artificielle, parce qu'elle est là, et ça tombe bien aujourd'hui, il est là aussi votre éditeur chez Passé Composé, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur Chevalier. Bonjour Xavier Maudit. C'est un pari, parce que, faut le rappeler, vous êtes historien aussi Arthur Chevalier, donc ça veut dire qu'il y avait cette réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en histoire avec la conscience que, j'ai presque envie de dire, on ne peut pas faire autrement, elle est là. Oui, elle est là, c'est-à-dire, d'ailleurs, ce livre, je ne l'aurais jamais accepté si une machine me l'avait proposé. Je veux dire par là que je l'ai accepté justement parce que c'est un auteur que j'avais déjà publié, qui m'a proposé un projet qui d'ailleurs était déjà très complet, et donc c'était d'ores et déjà convaincant. Donc, la question de la place de l'homme et de la machine est très claire. Ça vient de l'homme, ça a été sollicité par l'homme, ça a été pensé par l'homme. Et je pense qu'aussi l'intérêt de ce livre, c'est que c'est encadré par un travail d'historien très précis, avec des commentaires qui, à mon sens, sont très intéressants. Après, sur la place de l'Uchronie dans une réflexion historique, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait, depuis Alfred de Vigny. Donc, rien de neuf sous le soleil. Et en matière éditoriale, on va dire que pour nous, chez Passé Composé, c'était pas du tout un acte de provocation, mais justement de décontraction. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un livre qui n'est pas un livre de recherche, ce qui aurait été évidemment à la fois stupide et mal, entre guillemets, ça aurait été de publier un livre d'histoire caché, c'est-à-dire un livre écrit par une intelligence artificielle et qui n'aurait pas été annoncé comme tel. Donc ça n'aurait pas été. Là, c'est dit dès le début, donc c'est une proposition. Par ailleurs, ce qui est assez intéressant avec l'IA, vous aurez remarqué, à la fois c'est l'innovation technologique la plus fascinante de ces 10 dernières années, et en même temps, le domaine que ça concerne, c'est les livres et les images, soit des choses qui finalement sont assez rudimentaires, et même l'édition passe pour être parfois une industrie presque anachronique, quoi, en tout cas un peu vieillotte, quoi. Et donc là, tout à coup, les deux se rejoignent. Et je pense que pour une maison d'édition d'histoire, l'important, c'est aussi d'être à la pointe de la créativité. Et il est important d'accompagner des historiens qui ont des nouvelles idées, qui veulent mettre l'histoire en scène de façon nouvelle. Et donc ça correspond aussi à une partie de notre mission, qui est bien sûr de mettre en valeur la recherche, mais qui est aussi de publier des livres nouveaux avec des outils qui de toute façon sont à notre disposition et qui font partie intégralement du processus de création du livre. Je veux dire par là que on n'est pas resté bloqué au codex. Donc de toute façon, à partir de là, il faut arriver à s'en emparer. À aucun moment, effectivement, le livre n'est présenté comme un livre d'histoire écrit par l'intelligence artificielle. C'est un livre écrit par l'intelligence artificielle avec des commentaires d'historiens. Mais on peut même aller plus loin, Raphaël Dehan. L'intelligence artificielle ne peut pas seule écrire le livre. Il n'est pas né de rien, ce livre. Ça, c'est certain. D'abord, l'intelligence artificielle correspond toujours à ce que Pascal avait dit de la machine à calculer, de la calculatrice qu'il avait inventée, en disant « elle est capable d'une sorte de pensée qui est plus proche de la pensée que ce que font les animaux, d'après lui. » Mais elle s'en éloigne tellement, enfin, elle s'en est beaucoup plus du point de vue de la volonté. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune volonté, elle ne fait que calculer quand on lui demande. Et en fait, c'est toujours le cas des intelligences artificielles actuelles. Elles pensent assez bien, si on prend la pensée dans un terme, dans un sens assez restrictif, mais elle n'a aucune volonté. Elle ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Et donc, c'est un outil, au fond. Et moi, je le prends toujours comme un outil. Et d'ailleurs, un outil avec ses défauts. Et en fait, le principe même du livre, d'ailleurs, vient de ce que je me suis appuyé sur ses défauts. Une des grandes failles des modèles de langage actuels, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de vérifier la véracité de leurs informations ou de ce qu'ils racontent. Ils peuvent très bien se tromper sur des dates, ils peuvent inventer des anecdotes, ils peuvent inventer des faits ou des personnages. Ça fait partie de ce que j'écrivais tout à l'heure, qui est qu'ils prédisent les mots les uns après les autres et donc n'ont aucune mémoire, aucune référence, en fait, à quoi comparer ce qu'ils disent. Et évidemment, pour faire un livre d'histoire, si on avait fait un livre d'histoire avec ça, ça aurait été absurde parce qu'il y aurait eu plein d'erreurs, ça n'aurait rien ajouté. Bon. Et donc, en fait, mon idée, c'était de se servir de ce défaut un peu comme dans une prise de judo pour en faire un avantage. Et il y avait un domaine lié à l'histoire qui était intéressant de ce point de vue-là, c'était justement l'Uchronie. Parce que là, le fait d'inventer des choses, ça devient un atout, ça devient quelque chose de créatif. Et à partir de l'Uchronie, après, réfléchir moi-même, parce que moi, je peux vérifier les faits, dans ce que vous avez cité, qui sont les commentaires que j'ajoute à cette invention de l'IA, pour avoir une réflexion, là, historique, sur notre connaissance de l'Antiquité. Est-ce que ça nous inspire de voir cette histoire alternative qui est inventée par l'IA? Voilà, réflexion sur l'histoire inventée par l'IA, réflexion sur l'Uchronie, et puis réflexion sur l'intelligence artificielle même. Une réflexion qui nous conduit jusqu'au bâtiment. Hop, ça y est, un marteau, quelques clous, un rabot, et surtout pour faire marcher tout ça, beaucoup de huile de bras. Et les gars, quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie quand le bâtiment va. Maurice Chevalier, quand le bâtiment va, parce que Raphaël Dohan, vous avez une phrase terrible dans cet ouvrage, quand vous l'ouvrez par votre préface, en disant que celles qui ont le plus à craindre l'intelligence artificielle, bien, ce sont ceux qui travaillent, j'allais dire de leur cerveau, mais tout le monde travaille de son cerveau. En tout cas, ce n'est pas le BTP qui craint. On ne remplacera jamais un maçon par l'intelligence artificielle, même si le maçon travaille énormément avec son cerveau. Sinon, le mur n'est pas droit. Alors jamais, je ne sais pas, on ne peut pas vraiment faire des paris pour l'avenir à très long terme, mais aujourd'hui, ce qui est frappant en fait avec ces technologies, et notamment les modèles de langage, c'est effectivement que c'est la première fois, je pense, que le travail intellectuel, au sens très large, ou cognitif peut-être, est remplacé par un outil, par une machine, alors qu'avant, ça concernait principalement le travail manuel. Et donc, je trouve ça assez... curieux, peut-être on peut le trouver désolant aussi, que par exemple on puisse avoir une machine qui fait des dessins ou des peintures aujourd'hui, alors même qu'on ne sait pas remplacer un livreur de pizza. Alors on pourrait penser qu'il y avait une tâche qui était intéressante à faire parce qu'elle est épanouissante, parce qu'elle est enrichissante, l'autre qui franchement pourrait disparaître et tout le monde s'en porterait mieux. Et malheureusement, bon, il se trouve que la technologie en fait était plus facile pour faire des dessins artificiels que pour faire des livraisons de pizza automatiques. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est une rupture assez radicale. Ça veut dire qu'on va tous devoir, enfin tous ceux qui travaillent, mais encore une fois, vous l'avez dit, c'est presque tout le monde en fait, avec des tâches intellectuelles au sens très large, vont devoir s'adapter à cette nouvelle condition. Je pense que ce n'est pas vraiment un remplacement. Il ne faut pas avoir peur de l'IA comme une sorte de concurrente qui viendrait tous nous remplacer. Mais c'est un outil dont on va se servir. Je pense que bientôt, par exemple, enfin, c'est même évident, ça va être intégré dans tous les traitements de texte, dans tous les éditeurs de mails. Enfin, donc en fait, on va avoir de l'IA partout qui va nous proposer des corrections, qui va nous proposer des alternatives. Vous auriez peut-être pu avoir telle idée. Vous pourriez changer telle phrase, elle serait plus fluide. Il y aura ça partout, en fait. Donc, à la limite, peut-être qu'à un moment, dire qu'un livre a été fait avec IA, ce sera une sorte de banalité. Parce que tout le monde le fera comme ça. Et je pense que ceux qui ne le feront pas, ce seront des sortes de précieux, en fait, qui voudront se dire, moi, j'ai fait un livre entièrement à la main, un peu comme ceux qui écrivent encore au stylo plume aujourd'hui. Voilà, bah c'est alors quelque chose qui nous fait froid dans le dos, en tout cas à moi et à vous, Arthur Chevalier, éditeur, et puis éditeur-auteur aussi, parce que vos ouvrages, vous les avez écrits vous-même, hein, que ce soit Les Femmes de Napoléon, Napoléon et le Bonapartisme, c'est vous. C'est pas l'IA. Ah non, non, pas du tout. Non, non, j'ai jamais fait travailler l'IA pour mes livres, pas de problème. Dans cette crainte et cette réflexion qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, il y a, Arthur Chevalier, la nécessité malgré tout de le prendre en compte. Et c'est ça qui est très complexe avec l'intelligence artificielle. On ne peut pas la nier, elle est là. Et comme le disait Raphaël Dohan, elle va être de plus en plus présente, sans doute, dans les corrections. J'ai presque envie de dire qu'elle existe déjà en partie dans le travail de l'éditeur, c'est-à-dire pour les corrections, etc. Il peut y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle. Oui, alors je pense que on la voit comme une sorte de complot mondial et qui menace l'avenir de l'humanité et qui serait une sorte de menace qui vient d'en haut. En fait, on se rend compte que la pénétration, vous venez de le dire, elle vient entre guillemets du bas, c'est-à-dire que c'est les individus qui, dans leur cache quotidienne, peuvent éventuellement s'en servir. Mais si on pousse la réflexion aussi loin, on peut se dire qu'il y a des tonnes d'avancées technologiques qui ont changé la façon de travailler, mais de tout le monde, je veux dire. Et vous le dites, c'est-à-dire que Word fait des corrections depuis très longtemps, et on aurait très bien pu se dire, non mais attendez, qu'est-ce qu'on va faire des correcteurs? Où est-ce que je veux dire? Donc effectivement, ça a forcément restreint la tâche de certains et ça a fait évoluer certains métiers. Je ne peux pas prédire ici quels métiers vont évoluer dans l'édition, dans la production de livres, grâce à l'IA. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'en emparer tout de suite, justement pour que les gens qui aujourd'hui exercent ces métiers puissent se servir de l'IA, la mettre à leur service et l'intégrer dans la façon dont ça fonctionne. Vous voyez, c'est-à-dire que un mathématicien n'a pas arrêté de travailler parce qu'il avait une calculatrice. Vous voyez, ça n'annule rien. Donc, de ce point de vue-là, vivre avec les avancées technologique, entre guillemets, améliorer la qualité du travail, ça ne veut pas dire remettre en cause la façon dont on met en scène la production historique. C'est des choses différentes, ça n'a strictement rien à voir. Et pour ce qui nous concerne, et a priori on est le seul éditeur d'histoire en France à l'avoir fait, il n'y a pas le début du commencement d'un nouveau business model. Les équipes d'ailleurs, on a travaillé avec un maquettiste, avec un éditeur, avec un correcteur qui a bien existé en tant qu'être humain, donc toute la chaîne du livre a été respectée. Mais ça a enthousiasmé tout le monde parce que c'était une nouvelle façon de faire un livre. Voilà, c'était tout. Il y avait des humains dans toute la chaîne et l'enthousiasme venait d'ailleurs du fait que c'était des humains, exactement. Donc je pense juste qu'il faut se l'approprier, il faut se l'approprier individuellement, il ne faut pas penser que c'est une menace qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui va s'intégrer naturellement et d'ailleurs qui passera par les métiers eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, il y a aussi des IA qui font de la traduction. C'est pas les éditeurs qui vont commander des traductions à l'IA. C'est qu'on peut imaginer que les traducteurs puissent s'en servir, pas pour tout, mais pour leur quotidien, pour accélérer la façon dont ils peuvent travailler. C'est ce que vient de dire Raphaël, il a raison. Ça démultiplie les cerveaux et éventuellement les exécutants pour des tâches pénibles et qui nous font perdre du temps. Je pense que tout ce qui nous permet de se concentrer sur la créativité et les choses, on va dire, les plus sophistiquées, sont bonnes à prendre. Évidemment, pas faire n'importe quoi, il faut prendre des pincettes, il faut prendre des précautions, mais il faut... Si. Et puis en plus de ça, on peut pas accuser la technologie de ne pas vouloir prendre en compte la science, la connaissance, si nous-mêmes, qui entre guillemets, contrôlons le rayonnement de la connaissance, eh bien on ne va pas vers cette technologie. Si on ne se l'approprie pas, elle va avancer sans nous, et dans 20 ans, elle nous regardera avec mépris, et on aura l'air en retard. Donc je pense que c'est une condition quasiment vitale de se les approprier dès maintenant. Avec l'exemple des traducteurs, des traductrices, qui est essentiel, parce que déjà, trop peu cité, pas assez souvent cité, surtout à ne pas remplacer par une intelligence artificielle, et s'il y a utilisation de l'intelligence artificielle, il y a le travail du traducteur. Exactement. Je ne sais pas s'ils sont ça, mais c'est comme les illustrateurs, très utilisés, qui travaillent beaucoup pour des livres et en fait, qui ne sont pas souvent cités, ceux qui font les couvertures, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des tâches qui, de toute façon, sont un peu invisibilisées et ça n'est pas juste entre guillemets, enfin, c'est les travailleurs de l'ombre, mais qui sont absolument indispensables pour la qualité des livres. Eh bien, je pense que c'est pas à l'éditeur de les remplacer, c'est à eux de s'en emparer s'ils le veulent. De toute façon, l'idée ne me viendrait même pas à l'esprit. Je pense que dans des processus de production, en tout cas tels qu'ils sont pensés aujourd'hui, c'est impensable, vous voyez. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer, à mon avis. C'est parce que de toute façon, la technologie, elle pénètre toujours par le quotidien et par les individus. À mon avis, c'est de ce point de vue-là, c'est la suite des choses. Arthur Chevalier vient d'évoquer les illustrations Raphaël Dohan, et d'ailleurs dans ce livre, si Rome n'avait pas chuté, il y a des illustrations, mais ces illustrations produites par l'intelligence artificielle. Oui, en fait, d'ailleurs pour aller dans le sens de ce que vient de dire Arthur Chevalier, on voulait pas faire un livre qui recopiait ce qu'on faisait avant en livre, juste en remplaçant les gens qui le faisaient par de l'IA. C'était pas du tout le but. On a voulu, au contraire, faire un livre qui aurait été infaisable sans l'IA, en fait, qui n'aurait même pas pu exister si on n'avait pas eu ça. Et les illustrations, c'est le meilleur exemple. Il y a beaucoup d'illustrations dans le livre. Qui est un peu fait sur le modèle, mais avec un peu d'autodérision, des livres de civilisation un peu à l'ancienne, où on découvre comme ça des images d'objets archéologiques, de fresques, de mosaïques. Sauf que là, ce sont des objets archéologiques qui n'existent pas, mais qui sont représentés de manière photoréaliste grâce à l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui, si on avait même pu l'envisager de le faire avec des moyens traditionnels, nous aurait demandé un budget en fait de quasiment de film hollywoodien, ce qui évidemment était impensable dans l'édition. Et donc, j'ai trouvé ça très amusant et un peu fascinant d'avoir ces sortes de fenêtres sur un monde qui n'existe pas, pourtant très réaliste, et qui permettent d'avoir, par exemple, un ordinateur romain, une fresque de quelqu'un qui utilise un smartphone, enfin, des choses qui à la fois pousse à la réflexion parce que ça déroute, parce que ça a quelque chose de, une sorte de décalage qui nous rappelle à quel point notre mode de vie lui-même en fait est, peut s'inscrire dans l'histoire, et aussi parce que je trouve que c'est drôle, il y a de l'humour qui naît des images et que ça complimente très bien le texte écrit par l'IA également. Oui, parce qu'il y a toujours un peu d'humour dans cette histoire-là, hein. Vu que c'est de l'Uchronie, c'est toujours très drôle, et rappelons aussi que tout comme le texte, l'image créée par l'intelligence artificielle nécessite d'être touché par un humain réel. Absolument. En fait, d'abord, il faut en faire beaucoup, beaucoup. Il y a un énorme travail de sélection et ensuite de retouche parce qu'il y a beaucoup de défauts et donc il faut passer par Photoshop et traditionnellement, finalement, refaire ce travail pour vérifier que tout est bien. Ce qui est intéressant, en fait, moi, je compare souvent le travail avec l'intelligence artificielle à un travail de réalisateur de cinéma, puisque un réalisateur de cinéma, au fond, ne fait rien lui-même de ses 10 doigts. Des fois, il ne tient même pas la caméra. Mais il coordonne des équipes qui, elles, le travail, lui proposent des choses et il va faire des choix, il va sélectionner des idées, il va ensuite faire un montage, il va enlever des choses, des plans. Et c'est tout ça, en fait, qui fait ensuite qu'il est l'auteur de sa création, qu'il a pu créer quelque chose de nouveau. Et en fait, je pense qu'on va tous travailler comme ça avec l'IA, que ce soit au niveau d'un traducteur, d'un illustrateur, d'un éditeur, d'un auteur. On va tous travailler comme si on avait une équipe de 10 personnes, sauf que ces 10 personnes, ce sont des IA et on les coordonne, on leur fait générer des idées, on prend telle ou telle idée, on en refuse telle autre, on les refait modifier d'une autre manière. Et tout ça, en fait, sera assez fluide et nous rendra juste tous plus productifs au lieu de nous remplacer. Avec ce futur que vous inventez à l'Empire romain, si Rome n'avait pas chuté, alors qu'est-ce qui se serait passé? Parce que ils vont jusque sur la Lune, ces Romains. Non, mais c'est toujours intéressant, cette réflexion sur le futur. Alors là, en l'occurrence, c'est de l'Uchronie, mais quand on se place à un moment précis et qu'on réfléchit au futur, bah là, c'est quoi? C'est de la prospective. C'est déjà un fait. La télévision peut apporter l'enseignement programmé à domicile. Demain, elle offrira sur un écran de taille illimitée des programmes choisis à la carte. Même seul chez soi, on pourra préférer les jeux de société aux jeux de patience, en prenant comme partenaire soit un ami lointain, soit un ordinateur. La télévision sera le super catalogue des ventes par correspondance. Journaux, lettres, télégrammes, contraventions apparaîtront ainsi sans retard. En fait, on peut se demander si le mot télévision est bien celui qui correspond à cette circulation extraordinaire, nouvelle, libre, des images et des sons que l'on peut envisager pour l'avenir. Au fond, on ne trouve pas de mots. Audiovisuel, matériel audiovisuel ne marche pas. J'attends que des professionnels de la langue trouvent un mot. Mais à mon avis, c'est ce mot nouveau qui définira très bien les possibilités extraordinaires de circulation des images et des sons. Moi, je tenterais ordinateur, hein. Tout simplement. C'est Jean Darcy, directeur de l'information et de l'audiovisuel, qui s'exprimait en 1969. Bah, c'est l'anticipation d'Internet qu'on a là, avec évidemment toujours une réflexion sur ces nouveautés. Arthur Chevalier, quelles sont les critiques que vous avez le plus souvent rencontrées quand vous avez présenté ce projet ou depuis que ce livre, Si Rome n'avait pas chuté, a apparu? Est-ce que vous avez plutôt, alors vous l'avez dit, beaucoup de gens qui sont assez stimulé même par le livre. Est-ce qu'il y a des critiques sur l'IA? Non, parce que moi j'ai l'impression que vu qu'elle est là, bah, c'est plutôt intéressant. Comment on l'utilise? Il n'y a pas vraiment eu de critique, ni en interne, si je puis dire, ni en externe, au sens où j'ai plutôt vu un véritable enthousiasme face à quelque chose qui est en réalité très amusant dans le bon sens du terme. Ça existe aussi, le plaisir et la fantaisie, ça fait partie du monde du livre aussi. Il y a eu un petit débat sur est-ce que c'est un livre d'histoire ou pas un livre d'histoire. Bon, en fait, à mon avis, c'est un débat qui concerne les définitions du mot histoire, mais qui, à mon avis, ne concerne pas vraiment le livre, en fait, hein, au sens où c'est une uchronie, ça a été défini comme tel. J'ai pris un historien de l'Antiquité, me l'a proposé. C'est pour ça que j'ai dit oui, parce que c'est un historien excessivement qualifié. Donc, non, honnêtement, c'est la plupart des gens sont très enthousiastes, et même la presse a été dès le début assez enthousiaste. Mais justement, je pense, la raison, c'est qu'il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. C'est-à-dire que c'est annoncé que c'est un livre IA, donc c'est quasiment une sorte d'exposition IA. C'est-à-dire, ça montre ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire aussi. Ça révèle aussi les faiblesses de l'IA. Et je trouve que ce qui est très frappant quand on lit le livre de Raphaël, c'est qu'on lit les passages écrits par l'IA, et puis il y a les commentaires d'historiens, on lit les passages écrits par Raphaël. Et là, vous avez un changement immédiat. Donc, vous voyez aussi que cette IA, pour l'instant, elle a un style un peu banal, vous voyez, par exemple. C'est-à-dire que, et le fait qu'il y ait l'intervention de l'historien dans le livre et que les deux parties soient annoncées clairement, eh bien, ça montre justement aussi les limites de la chose. Et d'une certaine façon, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Voilà. Et puis, vous le dites clairement, Arthur Chevalier, hein, il y a cette forme, l'utilisation de l'IA. Il y a le fond qui est cette narration, cette uchronie. Autant de discours possibles sur cette histoire romaine, bon, qui n'aurait pas chuté, qui a la lumière, qui a... C'est une histoire rigolote. Ah, moi j'adore, non, mais c'est très intéressant. Et puis ça fait réfléchir à l'Antiquité même. C'est-à-dire que dans ce saut dans le temps, Raphaël Dohan, vous avez été étonné quand vous avez interrogé l'IA, donc vous lui posiez des questions et vous aviez un court texte en réponse, au sens où l'IA n'a pas produit le livre d'un seul coup, c'est plein de petits bouts. Vous avez été étonné des réponses ? Oui, effectivement, on n'appuie pas sur un bouton pour créer tout le livre d'un coup, c'est un travail en fait de couture, de plein de générations différentes, après un gros travail de sélection. Et oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné. Alors, d'abord, d'un niveau très général, ce qui m'a frappé, c'est la cohérence des réponses, qui sont globalement assez bonnes, et où enfin, l'IA ne part pas dans toutes les directions de manière incontrôlée, et en fait répond bien aux demandes qu'on lui fait. Même sur des sujets dont on pourrait penser qu'elle ne maîtriserait pas ou qu'elle ne serait pas très bonne. Et ensuite, alors moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est dans des détails assez précis. Par exemple, elle a généré la façon dont les philosophes néoplatoniciens se seraient servis de l'électricité comme une métaphore pour le bien et le et l'être à travers le monde. Et en fait, elle fait une sorte de description de ces théories philosophiques, mais très précise, très raffinée, très jolie et très poétique, et très conforme à ce que des néoplatoniciens auraient pu penser, effectivement, s'ils avaient eu accès à l'électricité et qu'ils avaient vu ce que ça produisait. Et ça, c'est assez fascinant, en fait, parce que c'est quelque chose qui aurait été franchement pas évident à écrire pour un auteur humain. Enfin, il aurait fallu une bonne connaissance, évidemment, de la philosophie néoplatonicienne et aussi une certaine dose de créativité littéraire. Et ça, elle l'a fait très bien. Donc, il y a des choses comme ça où on est frappé par la capacité, ce que je disais tout à l'heure, hein, à mélanger deux inspirations qui n'ont rien à voir et en faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est très frappant. Oui, c'est ça. Hein. C'est surprendre toujours qui est intéressant. Et d'ailleurs, à ce moment précis dans le cours de l'histoire, ben, voici venu le temps des cathédrales. Julie Claustre, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous êtes coordinatrice d'un projet, Notre-Dame et son cloître, qui utilise l'intelligence artificielle. Vous pouvez nous présenter ce projet ? Oui, alors le projet a de multiples aspects. Disons que sa focale, c'est de se concentrer sur la documentation textuelle de la cathédrale Notre-Dame. Donc c'est un projet qui est né en 2019, au moment où les historiens de l'art, les architectes, etc., les historiens du Moyen-Âge se sont portés au chevet de la cathédrale dont la charpente venait de brûler. Et l'idée de cette trentaine de chercheurs et de conservateurs qui se sont réunis, ça a été de mettre leurs forces pour faire émerger, rendre disponible la documentation textuelle de la cathédrale pour contribuer à cet environnement de recherche, à l'animation de cet environnement de recherche pluridisciplinaire, parce qu'on estimait que percolerait ainsi d'une discipline à l'autre, d'un type de source à l'autre, un ensemble d'informations, de recherches qui pourraient être intéressantes pour la suite. Donc documentation textuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois une recherche sur les livres et la bibliothèque de la cathédrale. Donc la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Mazarine sont de la partie, avec leurs conservateurs et leurs spécialistes des livres de Notre-Dame, pour aller chercher encore, parce qu'on ne connaît pas en véritable toute l'histoire, loin de là, de la bibliothèque de Notre-Dame, de la bibliothèque des clercs de la cathédrale, c'est-à-dire du savoir tel qu'il était élaboré, transmis, réélaboré au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc un premier volet sur les livres, et puis un volet sur la documentation d'archives, sur la documentation proprement archivistique, tout simplement là aussi pour rendre disponible des massifs documentaires qu'évidemment l'érudition historique avait identifié depuis longtemps comme important, depuis le 19e siècle, pour connaître, pour faire l'histoire de la cathédrale, mais des massifs documentaires documentaires qui sont si imposants, si volumineux, qu'ils sont absolument inaccessibles à des chercheurs isolés. Et ça aussi, on le sait depuis longtemps. Et donc, des séries documentaires qui, d'une certaine façon, étaient systématiquement laissées de côté parce que pour aller y chercher des informations sur des thématiques précises, c'était tout simplement impossible à des chercheurs isolés. Donc là, l'idée, ça a été de recourir à une intelligence artificielle, donc pour ce volet précis sur la documentation archivistique, pour faire, on va dire, je dirais, de la collecte d'informations, enfin de la collecte de données, mettre à disposition des chercheurs de la donnée textuelle en masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait multiplier les lecteurs, les yeux capables de transcrire, d'aller lire les écritures anciennes, sachant que donc on s'est concentré sur la documentation d'époque médiévale pour être, on va dire, au plus près de du chantier initial de la cathédrale, même si on n'a pas la documentation que tout le monde souhaiterait avoir depuis très longtemps sur le chantier de la cathédrale. Malgré tout, se rapprocher archivistiquement au moins de la période la plus proche de la fin du chantier, pour essayer de suivre à travers ce massif documentaire, dont je vais dire quelques mots supplémentaires tout de suite, suivre au moins, si possible, par exemple, les opérations d'entretien qui étaient faites dans la cathédrale, les opérations de décor, tous les usages de la cathédrale une fois qu'elle a été construite, etc. Donc cette série documentaire, c'est la série en fait des registres de décision du chapitre Notre-Dame. Alors le chapitre Notre-Dame, c'était une cinquantaine de clercs de très haut rang qui entouraient l'évêque, qui participaient avec lui à la gouvernance du diocèse, qui administrait la cathédrale, et ces clercs avaient l'autorité sur le bâtiment même de la cathédrale. Il ne faut pas croire que l'évêque décidait tout seul, ni du chantier de la cathédrale, ni des aménagements successifs, des réaménagements, de la liturgie, etc., etc. Il y avait cette équipe, enfin ce groupe d'une cinquantaine de clercs, et ces clercs se réunissaient, vivaient ensemble tout près de la cathédrale, dans le quartier canonial, là, au nord de la cathédrale sur l'île de la Cité, et se réunissaient trois fois par semaine pour prendre des décisions sur la cathédrale, sur l'administration de la cathédrale, sur le patrimoine de la cathédrale, etc., etc. Et ça a donné lieu à une série documentaire. Il y a un notaire du chapitre qui a pris note de ces réunions. Donc la série commence en 1326. Elle dure en fait jusqu'à aujourd'hui, mais ça, c'est les affaires du diocèse actuellement. Mais c'est un type de documentation qui sont les procès-verbaux des réunions hebdomadaire de ce groupe de clercs qui prennent toutes les décisions sur la cathédrale. Donc la série commence en 1326, elle est conservée aux Archives nationales pour toute la période qui précède la Révolution. Alors nous, on n'a pas pris tout ça parce que c'est 170 volumes avec des dizaines de milliers de pages. On a pris les deux premiers siècles, grosso modo. On s'est arrêté absolument arbitrairement en 1504, on s'arrêtait à la fin d'un volume tout de même. On a couvert, en gros, le Moyen-Âge, la période médiévale concernée par la série. 1326-1504, 26 volumes, 14 600 pages. Donc, quelque chose qui est véritablement impossible à utiliser pour un chercheur isolé, mais même pour un binôme de chercheurs comme ça. Et qu'en revanche, l'intelligence artificielle nous permet de pénétrer un peu plus facilement. Ah oui, explorer les archives de Notre-Dame de Paris grâce à l'intelligence artificielle, c'est un article qu'Elisabeth Lucet, qui est chargée de recherche au CNRS, a publié dans The Conversation. Dans cet article-là, on voit un peu donc le nombre des acteurs, et il y a du monde et du beau monde, parce que c'est l'Université Paris 1, l'École des Chartes, la Bibliothèque Nationale de France, la Bibliothèque Mazarine à Paris, ce sont évidemment les archives nationales, et on y apprend quelque chose mais c'est un rêve d'avoir ces textes manuscrits et une écriture très complexe déchiffrée par l'intelligence artificielle, au sens où, historienne que vous êtes, Julie Clost, vous pouvez très bien le faire et vous le faites, mais l'intelligence artificielle vous apporte quoi? Une rapidité déjà, un premier jet, j'ai envie de dire, sur lequel vous pouvez travailler? Alors ça apporte plusieurs choses. Fondamentalement, là, c'était il faut voir que c'est une série qui n'est que peu indexé, mal indexé. Donc quand l'historien, c'est une série qui contient une masse d'informations extrêmement hétérogène, hétéroclite, parce que le chapitre s'occupait d'énormément de choses. Donc par exemple, les historiens de l'art connaissent cette série depuis toujours, mais ils n'ont pas les moyens d'indexation, d'aller à l'information au plus près. Donc s'ils cherchent une information sur quel type de travaux d'entretien sur la tour ceci, voilà, la cloche, etc., les aménagements intérieurs de la cathédrale, quel type d'intervention ont eu lieu, bah, ils sont obligés en fait de lire les registres en entier. Ce sont des registres tenus jour après jour, semaine après semaine, mais comme ils ne savent pas a priori quand a été prise la décision concernant telle chose, etc., c'est très difficile à utiliser, à pénétrer. Donc c'est en ce sens que c'est un massif documentaire qui n'est pas indexé et pour lequel le notaire de l'époque n'a pas en fait créé les outils, nous a pas livré les outils à nous pour atteindre l'information par des systèmes d'indexation, ce qui peut exister. Il n'y a pas de table, etc., etc. Bon. Donc là, l'idée, c'est d'aller, un, transcrire, c'est-à-dire lire ces masses de textes, et ensuite, tout simplement, puisqu'on génère ainsi par une intelligence artificielle un texte numérique, d'avoir ensuite, tout simplement, un moyen d'indexation simple, puisqu'on fait après, voilà, avec des procédés très simples qu'on connaît tous pour aller chercher dans des fichiers numériques, l'information sur telle ou telle dimension. Bon. Et puis ensuite, on met au point et c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, hein, parce que si je décris un tout petit peu le processus, comment ça s'est passé. On a été quand même 18 chercheurs et conservateurs et ingénieurs en informatique à travailler pour mettre au point cette intelligence artificielle. Tout simplement, on a éduqué un algorithme, une intelligence artificielle, pour lire l'écriture des notaires du chapitre qui se sont succédés de 1326 à 1515, donc il y en a quand même un certain nombre de générations, qui ont tenu ces livres. Donc il a fallu éduquer cette intelligence artificielle pour qu'elle apprenne à faire de la paléographie, ce que tout médiéviste ou moderniste, etc., enfin spécialiste d'écriture ancienne, doit à un moment, enfin un apprentissage que chaque historien nécessairement doit faire. Donc on lui a appris à lire ces écritures, et pour cela il fallait numériser toute cette documentation, ce que les archives nationales ont fait faire, ont commandé. Il fallait aussi, en amont de cette numérisation, restaurer un certain nombre de ces registres. Donc c'est, je dirais, un gain supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a ce travail-là permet, avec l'IA, permet, un, de numériser des registres qui ne le sont pas, donc les rendre disponibles, puisque maintenant ils sont en ligne sur le site des archives nationales, ça permet de les rendre disponibles aux chercheurs du monde entier. Bon, ce qui est toujours aussi un élément d'accessibilité du corpus. Deuxièmement, il a fallu restaurer un certain nombre de ces registres pour qu'ils puissent être numérisés. Là aussi, ce sont des opérations intéressantes du point de vue patrimonial, puisque ça permet, en restaurant, d'améliorer la conservation de la documentation, tout simplement. Bon, et puis ensuite, effectivement, il y a Sergio Torres Aguilar, qui a été recruté comme post-doctorant sur le projet, qui désormais et chercheur à l'Université du Luxembourg, Sergio Torres Aguilar a mis au point, a codé une intelligence artificielle pour entraîner cette intelligence artificielle sur ses écritures. Donc le point de départ, en fait, parce qu'une intelligence artificielle ne part jamais de rien, ça vient de nos intelligences humaines à nous et de travaux antérieurs, le point de départ, ça a été d'utiliser des textes de la même époque, mais assez différents, qui étaient numérisés et qui avaient été édités, transcrits proprement. Et un premier échantillon de documents issus des notaires du chapitre, pour lesquels on avait en gros une cinquantaine de pages qui avaient été transcrites. Et donc d'entraîner une intelligence artificielle à partir de ce corpus qui faisait quelques centaines de pages, pour lui apprendre à reconnaître sur des images similaires, des images d'écriture similaires, les mots qui étaient transcrits. Donc on a commencé comme ça avec un premier modèle qui donnait des résultats pas très bons nécessairement. Et de modèle en modèle, en affinant, on a fait 7 modèles successifs. Donc Sergio Torres Aguilar a codé 7 modèles successifs et on a été une équipe au total de 15 véritablement transcripteurs qui ont corrigé les états successifs produits par l'intelligence artificielle au fur et à mesure de son entraînement, de son éducation. Parce que derrière une intelligence artificielle, il y a effectivement... parce que là, il s'agissait de créer une intelligence artificielle, de l'élaborer, de l'éduquer. Donc c'est comme éduquer de jeunes paléographes, hein, qui des apprentis paléographes, mais éduquer une intelligence artificielle pour la paléographie. Et ces corrections, c'est nous, chercheurs et chercheuses, conservateurs et conservatrices, qui l'avons fait. Donc ça, c'est un travail qui est un travail itératif, qui est un travail assez... assez chronophage, assez exigeant, assez besogneux, mais l'idée c'était d'arriver à un ensemble d'échantillons d'écriture espacés sur les deux siècles, 1326-1504, qui soit un bon reflet des écritures successives et des mises en page successives des registres. Au total, on arrive à quelque chose comme 500 pages parfaitement corrigées, juste du chapitre Notre-Dame de Paris, pour que l'intelligence artificielle ensuite nous produise 14 600 pages convenablement lues. Voilà. Julie Claustre, vous et les équipes de ce projet ont créé cette intelligence artificielle, vous l'avez éduquée, dites-vous. Attention toujours à ce que cette intelligence-là ne prenne pas le pouvoir. Cette mission est trop importante pour moi, je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Karl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là ? Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Ouvre la porte A ! Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Va falloir ouvrir la porte 1, c'est l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, 2001. L'Odyssée de l'espace avec Karl qui prend le pouvoir. Raphaël Dohan, quand vous écoutez ce projet autour de Notre-Dame, de son cloître, c'est quelles réflexions qui vous viennent sur l'intelligence artificielle? C'est formidable, mais moi, l'idée même de pouvoir transcrire un texte médiéval, et Dieu sait combien c'est complexe, parfois des archives notariales, mais quel enfer! Je n'y connais rien, je ne sais pas faire de paléographie. Il me dit, c'est un outil merveilleux. Ah, mais c'est vraiment un outil merveilleux, et je trouve que c'est des projets formidables qui vont se multiplier, qui vont nous permettre d'accéder à des sources et à des données qu'on n'avait pas du tout auparavant. Ça me fait penser à un projet que je trouve assez fascinant en tant qu'antiquisant aussi, sur la Villa des Papyrus à Herculanum, qui est une des grandes bibliothèques du monde romain, dont on sait qu'elle contient des papyrus et des livres qui ont été carbonisés par l'éruption du Vésuve, et que depuis le XVIIIe siècle, on essaye d'ouvrir avec différentes méthodes plus ou moins réussies. Et il y a un projet en cours aujourd'hui pour une sorte de concours d'ailleurs, pour trouver une IA qui serait capable de décoder par un scanner les papyrus sans même les dérouler, et après de reconnaître les traces d'encre sur les différentes couches du papyrus enroulé, et à partir de là, après, de pouvoir enfin les traduire. Ce qui est génial, c'est que là-dedans, il y a peut-être des écrits inédits d'Aristote ou de très très grands livres de l'Antiquité qu'on a perdus, et ça, bon, c'est vraiment des choses qui seraient extraordinaires et que l'IA nous permettrait de découvrir, de retrouver, alors même qu'on croit les avoir perdus aujourd'hui. Dans ce cas d'Herculanum, l'intelligence artificielle permettrait de faire quelque chose que pour le moment nous ne sommes pas capables de faire. Julie Claustre, dans la démarche de l'intelligence artificielle, il y a cette idée que cela permet d'aller plus vite. Parce que tout ce que vous avez raconté, c'est vrai qu'il faudrait mettre une immense équipe de chercheurs qui serait là à transcrire l'ensemble de ces registres. Ce serait faisable intellectuellement, mais les moyens de la recherche, et Dieu sait combien l'université souffre de tout cela, c'est pas possible. Donc l'intelligence artificielle, c'est aussi un outil entre les mains des historiens, des historiennes, pour aller plus vite. Oui, ça sert à accélérer le travail, enfin une partie du travail de l'historien et une opération de travail de l'historien qui est pas forcément la plus gratifiante ou donc il faut voir que dans on peut aimer beaucoup la paléographie, malgré tout transcrire de très longues pages, chacun sait que c'est à un moment un passage qui peut être assez compliqué dans le travail de l'historien. Donc ça permet d'accélérer cette phase et du coup d'accroître considérablement les possibilités de collecte de l'information. C'est une des multiples applications possibles de l'IA dans le travail préparatoire à l'écriture, hein, en amont d'ensuite ce qu'on peut tenter avec une intelligence artificielle qui, comme celle que Raphaël Dohan a utilisée. Donc c'est assez différent. Et il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, il faut assez vite l'intégrer, ce type d'application-là, qui est assez spécifique, rapidement dans les avancées l'apprentissage des futurs médiévistes, en l'occurrence, enfin des futurs historiens, parce que de toute façon, il faut qu'on apprenne à travailler avec ces intelligences artificielles pour être plus efficace. Il faut vraiment qu'on les intègre. Et puis par ailleurs, je pense que dans l'apprentissage paléographique, c'est utile. Autant, bien entendu, ceux qui commencent à apprendre à regarder, à lire des écritures anciennes doivent en passer par un apprentissage classique. Il faut apprendre les abréviations, etc., etc. Nous, on a appris à notre intelligence artificielle à résoudre des abréviations, ce qui est quand même une opération intellectuelle qui n'est pas si simple que ça, en fait. Mais bon, il faut commencer à le faire par soi-même, de façon classique. Mais je crois qu'à un autre moment, il faut intégrer dans l'apprentissage ces intelligences artificielles, parce que malgré tout, moi, j'ai été surprise de voir qu'à certains moments, puisque je l'ai quand même corrigé de multiples fois sur de multiples échantillons avec mes collègues de l'équipe, à certains moments, l'intelligence artificielle voyait des choses que je ne voyais pas au premier, au deuxième et même au troisième regard. C'est-à-dire des choses qui retenaient, qui étaient difficiles pour moi de lire. Et donc, elle propose l'intelligence artificielle dans certaines... Bien sûr qu'elle fait des erreurs, hein, il faut la corriger ensuite. Hein, mais là, elle propose malgré tout des solutions de lecture auxquelles, pour quelles raisons, mais alors, difficile à dire, on n'avait pas pensé. Et il faut bien voir que les érudits qui nous ont précédés antérieurement, y compris ceux du 18e, ceux du 19e, excellemment formés à l'école des chartes, plus récemment, etc., etc., eux aussi faisaient des erreurs de lecture. Donc l'intelligence artificielle fait des erreurs de lecture, mais c'est dans la confrontation entre intelligence artificielle et intelligence humaine qu'on peut progresser aussi dans l'élucidation de ces écritures anciennes. Et oui, ce que vous dites me paraît très important, notamment sur le fait qu'on doit quand même si on a une capacité à utiliser ces outils-là pour telle ou telle tâche, on doit quand même apprendre à le faire soi-même, au moins au début. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'élèves aujourd'hui, ou si ce n'est pas déjà le cas, il y en aura beaucoup demain, qui se demandent peut-être à quoi ça sert d'apprendre à rédiger des copies, puisque de toute façon, il y a des programmes qui font ça très bien. Le truc, c'est que même si effectivement, dans leur vie, ils vont passer tout leur temps probablement à faire générer le texte dont ils ont besoin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant quand même d'apprendre à écrire soi-même, un peu comme c'est quand même utile de savoir faire du calcul mental, alors même qu'ensuite, on utilise la calculatrice. Parce que apprendre à écrire, ça forme le cerveau, ça forme des raisonnements. C'est comme ça. On ne pense qu'en écrivant. Enfin, en tout cas, c'est une manière de penser de manière plus dirigée et plus solide. Et ensuite, deuxième chose, effectivement, il y a des choses pour lesquelles l'IA va nous donner des idées qu'on n'aurait pas eues autrement, y compris pour la recherche. Et je suis sûr qu'à un moment, quand on aura la capacité de donner encore plus de données à un modèle de langage qui aujourd'hui sont assez restreints dans le contexte qu'ils sont capables d'analyser, on pourrait donner par exemple plein de papiers de recherche ou plein de sources et ensuite demander comme ça, donne-moi 10 idées d'axes de recherche qu'on n'a pas encore fait. Et puis peut-être qu'il y aura 9 idées qui seront très nulles, mais il y en aura peut-être une qui sera intéressante et qui vaudra le coup d'être creusée. Et ça, je pense qu'on va pouvoir travailler un peu de cette manière-là, en essayant d'utiliser l'IA comme, encore une fois, une inspiration aussi. Donc il y aura deux parties, il y aura la partie, disons, interprétative de l'IA, qui est celle que vous utilisez, et ensuite la partie plus créative, que là, il faut utiliser avec sagesse et sagacité, mais qui, je pense, sera assez prometteuse également. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons un antiquisant Raphaël Dohanobaum, bien sûr. Et nous avons une médiéviste Julie Claustre. Et puis nous avons Arthur Chevalier. Vous êtes contemporanéiste, donc ça tombe bien. Le 19e siècle, mais c'est mon cas aussi. Les archives sont beaucoup plus lisibles. Nous avons un peu moins ce problème. C'est toujours beaucoup plus simple, ce monde-là, avec quand même la chance que nous avons tous de connaître le avant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les méthodes classiques, traditionnelles, et de bénéficier de l'outil. J'ai envie de dire que c'est un peu la même chose pour ceux qui ont connu le avant Internet, ce qui est mon cas, et le après Internet. C'est ça aussi, c'est quand même dire que cette intelligence artificielle n'a de valeur que si l'on maîtrise les méthodes classiques. Oui, et puis d'ailleurs, c'est pour revenir sur ce que disait Raphaël, c'est-à-dire que, imaginez-vous quelqu'un qui serait incapable d'écrire sans faire de faute d'orthographe et qui voudrait écrire en permanence en pensant que l'ordinateur va suffire. Vous voyez bien que, alors que c'est techniquement possible, personne ne réfléchit comme ça. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, vous voyez bien aussi que tout ordinateur qui existe, tout logiciel Word qui existe depuis 20 ans, archi sophistiqué, vous voyez bien que quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, il peut vous envoyer un fichier Word bourré de fautes d'orthographe. Pour la bonne et simple raison que la machine n'accomplit rien parfaitement. Il n'y a pas de raison que ça soit le cas avec l'intelligence artificielle, puisque ça n'était pas le cas avec l'ordinateur. Donc nous connaissons les limites des machines, nous connaissons les limites de ces supports, et il n'y a aucune raison pour que ces supports soient illimités. Dans cette mesure, il faut s'approprier les outils, simplement parce que ça permet de gagner du temps, que ça permet effectivement parfois de gagner en créativité aussi, de démultiplier les idées. On sait bien que, par exemple, avoir une interaction avec un autre cerveau que le nôtre, ça s'appelle l'altérité intellectuelle, ça

Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par une équipe bien réelle à l'intelligence qui m'éblouit chaque jour. Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copé, Gillian Tilly, Mayou Ngizhou, ainsi que ceux et celles de l'Institut National de l'Audiovisuel qui nous aide pour les archives. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.